très rapidement avant l'intervention de la conclusion de Dominique Potier. Donc peut-être réagir, si certains peuvent réagir sur... j'ai noté en particulier des questions relatives au levier d'intervention, et notamment dans le cadre de la loi d'avenir à venir, en termes d'enseignement agricole, de recherche et développement. J'ai entendu aussi plusieurs interventions sur les leviers en termes de coopération agricole et comment favoriser les initiatives collectives des producteurs. Et puis aussi une question qui était sur les alternatives aux pesticides, mais bon, voilà, entre autres. Hein, mais voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelques intervenants qui souhaitent réagir très rapidement. Donc vous deux déjà. Bon, voilà. Juste sur la recherche, bon, moi personnellement, parce que c'est aussi dicté par ma propre pratique de chercheur, je crois vraiment en la recherche-développement, c'est-à-dire la recherche participative avec les acteurs qui sont concernés. Il faut arrêter d'opposer systématiquement recherche dite classique, alors je ne vais pas dire académique, parce que ça complique encore un peu le débat, et recherche de producteurs, d'acteurs. Il y a des tas d'outils qui permettent de promouvoir ce genre de procédure de travail. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est prôné par nos institutions de recherche, pour des raisons... Alors, on ne va pas jeter la pierre à X ou Y, ce n'est pas ça la question. C'est que simplement, aujourd'hui, les chercheurs, en tant qu'ils sont évalués individuellement, ça c'est quand même quelque chose d'important, sur la base de critères internationaux de publication académique, etc. Et ça, ça ne renvoie pas du tout ou assez peu, malheureusement, à la recherche participative faite avec des producteurs. Donc là, il y a des problèmes de fond. C'est pour ça que la question qu'on a, et je réponds en même temps à Raymond Penouette, c'est que cette question de changement, elle n'est pas seulement... le changement de certains, c'est le changement de beaucoup de choses. Cette question qui sont posées sur l'agriculture et les grands choix qui se posent, ça ne concerne pas seulement les agriculteurs, bien évidemment ça concerne les agriculteurs, mais ça concerne aussi les autres corps sociaux. Et pour la recherche, j'ai tendance à dire la même chose. Ce n'est pas seulement l'affaire des chercheurs ou du ministère de la Recherche, c'est aussi une question de choix de société. Donc, je ne sais pas s'il y a un de vous deux qui veut prendre la parole rapidement, voilà. Et puis ensuite Philippe, Dominique. C'est juste pour revenir, parce qu'il y aurait plusieurs choses à dire, mais juste pour dire qu'en tant que paysan, cette question des choix politiques, le fait qu'elle ne soit pas visible sur le terrain, c'est ce qui fait qu'il y a autant de résistance au changement. C'est ce qui fait qu'on reste sur ce qu'on connaît du passé. Il n'y a pas de visibilité sur le terrain, c'est-à-dire que ce qu'on a décrit chacun, c'est par des convictions de l'échange, parce qu'on se dit que c'est le sens où ça va, mais si on regarde ce qui nous tombe et ce qui est encore aujourd'hui entre le discours et les orientations qui sont prises, la dualité que j'expliquais entre filière et territoire, ce qui fait qu'on ne voit l'environnement que sous l'angle de la contrainte et du dumping environnemental, alors que nous, ça implique de le voir vraiment comme un partenaire dans l'aspect. Et c'est la même chose pour le social, où on se dit que si on intègre de l'emploi, eh ben ça coûtera plus cher à produire, donc on ne va pas intégrer d'emploi parce qu'on ne sera pas compétitif. Donc il y a vraiment cette question des lisibilités qui fait que, en tant qu'agriculteur, moi, j'ai l'impression d'avoir encore aujourd'hui affaire à la même politique agricole que celle de mon grand-père. Donc, tant que cette visibilité-là ne sera pas faite, c'est clair que je ne suis pas sûr que je trouverai beaucoup d'agriculteurs dans le secteur pour coopérer avec moi sur du changement. Donc, très rapidement, les deux, Philippe et Jean-Claude, et puis donc on donne la parole ensuite pour la conclusion. Je voulais répondre à la formation. Moi, depuis quelques années, on travaille au niveau des réseaux énormément en partenariat avec les écoles de formation, que ce soit les lycées agricoles, les établissements privés ou publics. Moi, je pense qu'en règle générale, ce n'est pas sur les modules de formation qu'on a vraiment de problèmes. Moi, je les fermes, la plupart du temps, maintenant, les fermes des lycées agricoles se convertissent, comprennent un peu nos analyses. Moi, je pense que ce n'est pas là. Moi, je pense que où on a un problème avec la formation agricole, c'est... Alors là, je vais sûrement être très désagréable, mais bon. Hein ? Ah, il faut que je parle plus. Je vais sûrement être très désagréable, mais... Désagréable tant qu'on C'est comment la politique agricole qu'on a mis en place depuis un moment, on a fait une politique de rente, et la plupart des jeunes qui pratiquent, qui sont dans ces établissements scolaires, ben ce sont tous des fils de rentiers. La plupart du temps, c'est des fils de rentiers qui ont des schémas, qui ont des schémas de développement qu'ont leurs parents, parce que la plupart du temps, leurs parents ont pu développer ce type d'agriculture parce qu'ils ont poussé leurs voisins le plus loin possible. Et la plupart du temps, ils peuvent venir, trois quarts du temps, ils viennent sur nos fermes. Mais à chaque fois, ben, ils font des résistances à leur système en disant ben, « Moi, mon père, mon grand-père, il a gagné sa vie en poussant le voisin le plus vite. » La plupart du temps, tu nous emmerdes avec tes questions sur l'agronomie ou toutes ces questions-là. Et moi, je pense que là, il y a une réflexion, il faut absolument. Et moi, je pense que c'est l'enjeu essentiel. C'est que demain, si on veut changer les pratiques agricoles, ben, ça ne se fera pas seulement avec les filles et les filles de paysans. Ça se fera si on s'ouvre à autre... Je pense que c'est là, il y a un enjeu essentiel dans l'enseignement agricole, c'est qu'elle s'ouvre à d'autres catégories socio-professionnelles et qu'ils puissent s'installer paysans et paysannes demain. Et ça, c'est demain l'enjeu. Moi, je pense que c'est l'enjeu de l'ouverture sur la loi d'avenir. Merci. Non, juste une petite précision. Donc, Jean-Yves Maracam, je suis également de l'inspection de l'enseignement agricole, pour vous dire que dans les filières production, il y a 30% en fait de seulement, j'ai envie de dire, de fils d'agriculteurs qui sont dans ces filières. Donc c'est vrai que ce que vous évoquez, peut-être qu'il y a quelques années c'était comme ça, mais aujourd'hui ça n'est plus cela. Philippe Barré, oui, il y a peut-être une reproduction voilà. De schéma. Alors, bon, mais... J'enchaîne sur. Je suis pas si sûr que ça. J'enchaîne très rapidement sur l'enseignement agricole pour dire que. Même au niveau, à tous les niveaux, je pense, et au niveau universitaire aussi, et des grandes écoles, en fait, il y a une vraie demande de la part des étudiants, des jeunes, il y a une vraie demande pour autre chose. Et il y a un problème, on a un petit problème quand même parfois en termes d'offres. C'est vrai qu'il y a l'offre par le contact avec le terrain, mais je me demande si on ne devrait pas s'inspirer du travail qui a été fait notamment dans les CIVAM pour faire aussi des réseaux d'enseignants qui essayent de défendre un autre modèle et qui construisent une offre différente sous forme de réseaux d'enseignants. Deuxième chose sur la recherche, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que la recherche n'est pas qu'une recherche sur l'innovation technique. La recherche, le changement, c'est aussi un objet de recherche. L'économie, c'est aussi un objet de recherche. L'existence de rentiers, c'est aussi un objet de recherche. La psychologie des agriculteurs et des non-agriculteurs, c'est aussi un objet de recherche. Et l'agroécologie, en fait, elle revendique une vision systémique au niveau, c'est-à-dire que elle ne veut surtout pas qu'on mette toute la pression sur l'agriculteur. Un des principes fondateurs de l'agroécologie, c'est le food system, c'est le système alimentaire, y compris les consommateurs, y compris les lobbies, y compris les chercheurs, y compris les politiques. Et je pense que là, c'est un petit bémol que je mettrais à la France. À cause de cette focalisation sur l'agriculteur, qui est un mythe dans votre culture française, et sur les pratiques... Et cette résonance entre pratique et agriculteur, vous gommez très très souvent les problèmes liés aux consommateurs, aux réseaux, aux vendeurs de pesticides et autres. Et je pense que ça, c'est un vrai objet de recherche et que la recherche peut faire ça. Et deux autres éléments. Le premier, c'est, je pense qu'il ne faut pas opposer, je suis d'accord avec Jean, il ne faut pas opposer agriculteurs et chercheurs. Il faut chercher les complémentarités et surtout, et je l'avais dit en décembre et je le redis aujourd'hui, il n'y a pas moyen de financer une recherche sur l'agroécologie si on n'arrête pas de financer la recherche sur les biotechnologies. L'argent n'est pas éternel et immense. Donc il faut arrêter ce qu'on a déjà trop financé et financer ce qu'on n'a pas financé. Il y a un problème de déséquilibre. Il faut compter combien on a donné à la recherche en agroécologie ou sur l'agriculture bio par rapport à ce qu'on a donné sur d'autres trajectoires. Il faut rééquilibrer, c'est sûr. J'insiste sur ce point-là. Dernière chose, je pense qu'un élément clé de l'évaluation, on l'a dit, mais je voudrais le rappeler, c'est que l'évaluation doit viser à une réduction des inégalités. Ça, c'est clairement un enjeu pour l'agriculture. Une agriculture qui crée des inégalités, que ça soit entre paysans du Nord ou entre paysans du Nord et du Sud, ça n'a pas une agriculture qui a du sens pour moi. J'avoue qu'en tant que chercheur, j'apprécie beaucoup aussi que tu aies mis en avant les nécessités de réorientation de la recherche sous de multiples aspects, et en particulier la question de la pluridisciplinarité. Voilà, Samuel, une dernière réaction. Non, et puis, il y a eu deux questions de Mme Karen Serre et de Pierre-François là-bas, sur les CUMA. Bah, évidemment, il faut donner une priorité aux mesures collectives par rapport aux mesures individuelles. Bon, on est dans un système complètement déséquilibré. Si on regarde les crédits, ne serait-ce que les crédits européens, effectivement, la majorité, 70%, a comme critère d'intervention des hectares éligibles au niveau individuel. Donc, c'est pas une mesure d'intervention des plus intelligentes. Alors qu'au contraire, si effectivement on ciblait davantage les interventions publiques au niveau de collectifs, d'acteurs, et je n'inclus pas que les agriculteurs, hein, mais d'acteurs et de ruraux, si on veut parler du développement rural au sens large, ça a du sens, ça fait sens pour gérer collectivement des biens publics environnementaux, etc. Mais le travers, et c'est pas qu'une culture française, mais le travers d'une politique agricole européenne, c'est considérer les agriculteurs trop souvent comme des acteurs isolés les uns des autres, alors que ce ne sont pas des îlots, hein, ils fonctionnent en archipel, hein, et ils sont connectés, hein, donc il faut effectivement des dispositifs qui rendent compte de ces connexions. Voilà, nous arrivons à la fin de ce colloque, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir suivi avec attention. Je vais, en attendant que Dominique Poitier s'installe, je vais répondre à la question qu'évoquait, ou faire un commentaire plus exactement sur la question que poser Madame la Présidente de Tram, et c'est Dominique Poitier va comprendre pourquoi j'ai attendu qu'il s'installe ici à côté de moi pour faire cette réflexion. Oui, nous, je le disais en introduction, nos réseaux se relèvent de l'éducation populaire, nos valeurs sont bien connues, nous les avons avancées, et notamment nous sommes persuadés que le savoir, il est chez nous, et que pour la mise en œuvre de ce savoir, il faut développer les réseaux localement. Et dans un système de rentier établi que nous venons d'évoquer, même si pour ce qui concerne les fréquentations d'écoles agricoles, on est peut-être en train d'observer un changement. Permettez-moi de le remarquer aussi, peut-être chez moi, je vois ça, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Ce système de rentier, il existe réellement, et vous le savez d'ailleurs que ce système de rentier existe. Dans un système aussi établi de rente, on pourrait revenir... 4 octobre 66, la cogestion, c'est un instrument de la modernisation agricole. Il y a donc toute une profession qui est responsable de ce qui lui arrive et du sort des paysans actuels. À la marge seulement, et dans les marges, se trouveront les capacités d'innovation et de changement. Et collectivement, uniquement, alors je vous donnerai un chiffre, la FNCIVAM, qui est chère à mon cœur, qui est un des éléments d'impact, a vu ses fonds publics divisés par 5 dans les 10 dernières années. Et les fonds publics, pour nous, c'est 200 000 euros. Alors, voilà, ce colloque, on l'a fait d'ailleurs avec nos petits bras, pas d'animation parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc, la bonne tenue de ce colloque et la suite du travail, parce que le travail est loin de s'arrêter là, bien sûr, il y a aussi un autre groupe de travail qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qui continue le travail engagé par Nadège Garambois sur, et qui l'étend à d'autres domaines que l'élevage laitier pâturant. Ce colloque, nous le devons en grande partie sa réussite à Dominique Poitier, je le disais en rentrant, à son attaché parlementaire que je ne vois plus, qui a fait un vrai travail. C'est compliqué, hein, je sais, peut-être que certains d'entre vous sont familiers de ces lieux, nous ne l'étions pas du tout. Je ne suis pas sûr que nous le soyons devenus, ni que nous souhaitions même le devenir. Mais enfin, c'est une aventure intéressante. Et enfin, c'est une aventure intéressante. J'ai l'impression, et le remplissage de cet amphithéâtre montrait que nous ne nous trompions pas sur l'intérêt de la question que nous soulevions. Donc, on a souhaité que Dominique Poitier, qui, je vous le rappelle, est paysan lui-même, avant d'être député, oui, sans doute, au moins historiquement, bon, prenne la parole pour conclure. Et puis, je tiens donc à vous remercier personnellement de votre attention.